Très bien. La définition du jour, oui. Antoine. Aujourd'hui, on s'est dit que c'était une bonne journée, un mardi, comme ça, subitement, un mardi 8 avril, pour se demander ce qu'était le contemporain, et plus spécialement la musique contemporaine. Ouyouyouy, aïe aïe aïe. Donc le mot du jour, c'est contemporain. Exact. Oui. Contemporain qui veut dire actuel, présent, maintenant. Voilà. De maintenant. Si on regarde sur CNRTL, on a vraiment à peu près, je pense, un milliard de mots qui veulent dire à peu près tous la même chose. C'est-à-dire que c'est de maintenant. Ou de la même époque. Voilà, donc de ce mardi plus précisément. Mais en ce qui concerne la musique contemporaine, on parle plutôt d'un courant de musique savante qui est vraiment apparu à partir des années 1950. Donc on peut se dire que le contemporain commence un petit peu à dater. Mais voilà, depuis les années 50, on se renouvelle. Je sais pas, j'y étais de pas. De manière permanente. C'est pas parce que j'ai quelques cheveux blancs de plus que toi que j'y étais. D'accord. Mais oui, je me souviens d'avoir écouté ces musiques-là, mais enfin, je ne veux pas forcément beaucoup en parler à l'antenne, même si nous sommes dans un festival de musique contemporaine. Quand même. Hein. Et puis, le mot du jour contemporain tombe bien, parce qu'à 16h ou 16h30, il y aura une petite discussion, je ne sais pas si c'est à la cantine ou dans la salle des pas perdus, autour justement de la question des ensembles contemporains. Qu'est-ce qu'un ensemble contemporain en 2025 et précisément le mardi 8 avril. Oui, c'est à 16h dans la cantine. Donc, est-ce que c'est la cantine ici ou est-ce que c'est la cantine en bas où ils préparent à manger ? Non, ça, c'est la cuisine. Non. Ça, c'est la cuisine. Donc, ce sera ici dans la cantine, c'est-à-dire au bar, en fait, je pense. Voilà. À 16h, qu'est-ce qu'un ensemble de musique contemporaine ? Et c'est géré par Nicolas Donin, mais il y aura une multitude de gens qui participent à cette table ronde. Oui, Angelo. Angelo, qui est... voilà. Donc ce sera tout sauf une discussion de comptoir. Ce sera vraiment quelque chose d'assez sérieux ou d'assez inspiré. C'est super. Et puis voilà, Angelo qui est notre gourou. Notre gourou, notre... Notre première concurrente en termes de radio. Notre figure tutélaire. Ok. Eh bien, c'est bien, comme on dit, en 1950. Voilà, emballer, c'est peser. On disait ça aussi, en 1950. Oui,